بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية لعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. نعتمد على شرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans l'explication du livre Ad-Durru al-Bahiyya, les belles perles dans le fiqh, qui est le livre de l'imam Ash-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali Ibn Mukhtar al-Ramli. Hafizahullah ta'ala. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre Sifatu Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam tamatan. Ça va? La description de la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de façon complète. Alors, nous nous sommes arrêtés sur le sujoud. Et nous avons vu la parole du Cheikh ici, Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Il dit « وَيَسْجُدُ مُكَبِّرًا وَادِعًا رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ » Il fait le sujoud, c'est-à-dire lorsqu'il doit aller en sujoud et qu'il est en haut, il descend en posant d'abord soit les deux mains avant les deux genoux, ou bien soit les deux genoux avant les deux mains. Et nous avons vu cela, malgré qu'il y ait une divergence des savants à ce sujet. Ça va? Les savants se sont divergés à ce sujet. D'autres disent que on descend avec les deux mains. D'autres disent aussi qu'on descend avec les deux genoux. Ça va? Voilà qu'un as-sahih, c'est que les hadiths sur lesquels ces savants se basent pour faire cette divergence, ces hadiths ne sont pas authentiques. Al-Amruwasi, que tu descendes avec tes deux genoux ou que tu descendes avec tes deux mains, Al-Amruwasi. Ça va? Car les hadiths ne sont pas authentiques. Ensuite, si tu descends au sujoud, il dirige ses orteils vers la Qibla. Wayasjud ala a'dha'i sab'a. Et il se prosterne sur les sept membres. Qui peut me citer ces sept membres? Non. Non. Non. Non. Non. Les deux pieds, les pointes des pieds, les orteils. Ça va? Est-ce qu'on dépose les orteils comme ça ou bien on dépose le plat afin que les orteils puissent faire face à la Qibla? Ça va? C'est ce qui doit être fait. C'est compris? Tayyib. Donc, barakallahu fik. Les sept membres sont le front et puis le nez. Les deux sont ensemble. Ça va? Les deux mains, c'est-à-dire les paumes. Ensuite, les deux genoux. Ensuite, les deux pieds, les pointes, c'est-à-dire on dépose l'orteil pour faire face à la Qibla. Ça va? C'est bon? Voyez. Donc, ici ensuite le chef dit, il dit Subhana Rabbi al-A'la. Il répète cela trois fois ou plusieurs fois. Ça va? Il répète cela trois fois. Mais ce qui est obligatoire, c'est une fois. Ça va? À cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Amma ruku, quant au ruku, fa'azimu fihi rabb. Ensuite, il multiplie les invocations. À cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quant au ruku, faites le ta'zim, subhana rabbiyal azim. En sujoud aussi, vous faites subhana rabbiyal a'la. Mais ce qui est avantageux dans le sujoud, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa amma sujoud fajtahidu fi du'a. Faites l'effort de faire les invocations. Les invocations, faqamin aidi, les plus prompts, en yustajab lakum, que vous soyez exaucés. Et on a montré que les du'as, toutes les du'as sont permis en sujoud. Ça va? Mais cette du'a doit être dans la langue arabe. Tayyib, il choisit les du'as sur tout ce qui est bien dans la dunya et dans l'au-delà. Donc, et nous avons mentionné ici certains du'as qui sont dans le Coran. Dans le sujoud, on ne lit pas le Coran. N'est-ce pas? On ne lit pas le Coran. Mais ces du'as ne sont pas comme des versets qu'on peut lire à l'exemple de Yahya ou Alladina Amanu, Inna Alladina Amanu, Inna Alladina Kafaru. Mais ce sont les du'as qui sont dans le Coran. Et ces du'as-là, on peut les utiliser dans le sujoud. La ishkala fi zalik. Ça va? Tel que Rabbana atina fi dunya hasana. Et ensuite, nous avons montré la sifa, la manière dont il doit faire le sujoud. Quelle est la sifa du sujoud? Yujafi adudai. Il doit séparer ses membres. Bimana, il sépare les deux mains. De quoi? De ses côtes. Ça va? Ensuite, il sépare aussi son ventre de ses cuisses. C'est compris? Et il sépare ses cuisses de ses deux mollets, c'est-à-dire ses jambes. Tout doit être séparé. Ça va? Et il soulève ses deux coudes du sol. Zira'i, ce sont les deux coudes. Il ne dépose pas au sol. C'est-à-dire lorsqu'il dépose la main comme ça, ses deux coudes doivent être au sol. Et peut être soulevé du sol. Ensuite, lorsqu'il est seul, ou bien il est imam, il est préférable c'est-à-dire d'élargir ses deux mains, afin qu'on puisse même voir celui qui regarde, il peut voir même ses aisselles. C'est la sunna. Mais, lorsqu'il prie dans un rang, alors cela n'est pas possible. C'est compris? Ensuite, il dit وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا. Il soulève la tête. Lorsqu'il quitte du sujoud, il fait le takbir. Il dit Allahu Akbar. وَيَفْرِشُ قَدَمًا. Il étale son pied gauche afin de s'asseoir dessus. Ça va? Et il dresse son pied droit. Ça va? Il dresse son pied droit. Yani, comme ça. Mais il étale le pied gauche comme ça. Ça va? Au sol, afin de s'asseoir dessus. Comment on appelle cette assise? Tusamma jilsatul iftirash. On appelle cela iftirash. Ça va? Ensuite, وَيَدَوْ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِزَيْهِ. Et il met ses deux paumes sur ses deux cuisses. أَوْ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. Ou bien sur ses deux genoux. وَيَقُولْ. Et il dit en ce moment, رَبِّ اغْفِرْ لِي. رَبِّ اغْفِرْ لِي. Et il répète cela. وَيَدْمَئِنُّ فِي جُلُوسِ. Et il reste apaisé dans son assise. Ça va? Il reste apaisé. Cela veut dire quoi? Non? Qui peut me dire? Non? Il ne se précipite pas. C'est-à-dire, lorsqu'il est dans un rukun, il est dans un prier, tel qu'il assise, il s'assoit le temps de faire les invocations. Ça va? Ensuite, lorsqu'il quitte de ce sujoud, lorsqu'il veut aller maintenant en deuxième sujoud. Avant d'aller en deuxième sujoud, nous avons parlé de la mas'ala, qui est quoi? Le fait de déposer les deux mains, les deux paumes sur le genou, ou bien lever l'index de la main droite. Ça va? Et on a parlé du khilaf qui était à ce sujet, en apportant la parole du Cheikh Mohamed bin Saleh al-Utheymin sur la mas'ala. Pour ceux qui veulent encore écouter, revenez au cours précédent. Vous allez comprendre ce que nous avons dit. Mais à la cour des Had, nous avons montré que la parole sur laquelle il y a le dalil, c'est de ne pas lever l'index. Parce que le hadith est venu dans deux angles. Le premier, il n'a pas mentionné quelle assise. Mais le deuxième, il a mentionné que c'était dans le tashahhud. La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a été décrite par les compagnons. Et là où ils ont mentionné le fait de soulever l'index, c'était dans le tashahhud. C'est compris? Tayyib. Ensuite, وَيَسْجِدُ. Il se prosterne à سَجْدَةَ الثَّانِيَةَ. Le deuxième sujoud, mukadbiran, en disant Allahu Akbar. Wa yaf'alu fi ma kana fa'ala fi sajdati al-ula. Il fait la même chose qu'il a fait dans le premier sujoud. Ça va? Le fait de déposer les sept membres au sol, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire subhana rabbi al-a'la, et ensuite de faire les dua dans ce sujoud-là. Aïwa les rois, faites beaucoup de doigts dans ce sujoud. Surtout dans le sujoud, faites beaucoup de doigts. Arasou sur la semaine, fa qamin. Yani, fa awla ou ahara anustajab lakum. C'est-à-dire, c'est plus prompt en sujoud que Allah vous exhorte parce que vous êtes proche d'Allah en sujoud. Si vous faites des prières surrogatoires, durez au maximum en sujoud. Pour faire les invocations. Si vous êtes derrière un imam qui n'est pas avion par terre, vous faites des invocations. Ça va? Sinon, si vous êtes derrière un imam qui est sur le wasat dans le juste milieu, vous pourrez même faire Subhan Rabbi al-A'la les trois fois avant même d'ajouter une invocation dessus. Ça va? Et multiplier cette invocation qui est Ya muqallib al-qulub, sabbit qulubana ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Parce que le musulman, il a besoin d'aiman wa abadan de as-sabat. As-sabat. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette invocation, Aïcha lui a dit, radiallahu anha, elle lui a dit, mais Ya Rasulallah, tu es messager, tu as ceci, tu as cela. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il a besoin aussi d'être affermi sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il est le prophète. Non. Nous, on a plus besoin de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc multiplions cette invocation. Ya muqallib al-qulub, sabbit qulubana ala dinik, raffermis nos cœurs sur ta religion. Ensuite, maintenant, faites l'effort de prendre les causes. Les causes, c'est quoi? Pour être guidé, c'est l'apprentissage de la religion. Car on ne peut pas être ferme sur quelque chose si on ne la connaît pas. Apprendre la religion, et surtout, la fitna qui est là aujourd'hui, où il y a des a'immatul mudillin, des imams égarés, des imams du'atun ala abwab jahannam, au port de l'enfer, il y a aujourd'hui tout soit des fitnes. Vous devez apprendre. Apprendre le ilm des salaf. Et puis maintenant, faire l'effort de mettre en pratique et demander à Allah subhanahu wa ta'ala as-sabat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse. Ensuite, lorsque il fait le deuxième sujoud, wa yarfa'u ra'sahu, il lève maintenant la tête, mukabbiran, en disant Allahu Akbar. Wa yajlisu jilsata khafifatan, il fait une assise légère, une assise légère, c'est-à-dire une assise qui ne dure pas. Kal jilsati baina sajdatayn, comme l'assise qu'il a eu entre deux sujoud. Ça va? Comme l'assise qu'il a eu entre deux sujoud. Wa tusamma jilsatul istirah, on nomme cela jilsatul istirah, l'assise du repos. C'est-à-dire, c'est à quel moment? Lorsque tu fais une rakat et que tu finis les deux sujoud d'une rakat, normalement tu dois t'élever direct pour aller à la deuxième raka, n'est-ce pas? Mais bien avant de s'élever, il y a une assise là-bas, qu'on appelle Jisatu Istirah. Cette assise est une sunna. Ça va? Est une sunna. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Wa hiya mustahabba, c'est préférable. Wa in tarakaha, mais s'il laisse, fala haraj, il n'y a pas de problème. Mais al-akmal, le plus complet, c'est de le faire souvent. Mais pas à tout moment. Comme on voit certains frères le faire tout le temps. Daiman, Daidana. Chaque fois, ils sont en train de le faire. Ça va? Harry, va prendre les ablutions. Ça va t'aider. Toyib, c'est-à-dire une assise Daiman, Daiman, Daiman, Daiman. Chaque fois dans la prière, tu le vois dans les fêtes de l'Isra. Ala khilafu sunna. C'est le contraire de la sunna. Hatta les savants se sont divergés. À quel moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire jilsatul l'Isra? D'autres disent qu'il a commencé à le faire lorsqu'il avait dépassé la cinquantaine. Il était vieux. Donc voilà pourquoi il s'asseyait un peu, car c'était difficile pour lui de s'élever. D'autres disent que c'est quand il était malade. Mais ceux qui sont sur le sawab, ils disent, à la koule hal, le prophète Rasulallah nous a dit, sallu kamara aitumuni, kusalli. Même s'il était malade, et il a fait quelque chose, automatiquement ça devient pour nous une sunna. Donc, voilà, est-ce que c'est Daïdana? Ce n'est pas à tout moment. Il faut souvent délaisser, il faut souvent le faire. On appelle cela Jilsatu Istiraha. Mais dans cette Jilsatu Istiraha, Laysa fiha zikrun, il n'y a pas de zikr. Wala du'a, il n'y a pas d'invocation. Ça va? C'est là si seulement, il faut juste s'asseoir. Ça va? Donc, summa yanhadu, Ensuite, maintenant, il se lève maintenant pour aller dans la deuxième raka. Yanhadu qa'iman ila raka'ati thaniya. Il va maintenant dans la deuxième raka. Bi tariqati al-ashal, mais en se levant, il se lève par la manière qui est facile pour lui. Ça va? Ya'tamidu ala yaday, soit il s'appuie sur ses deux mains pour s'élever, au ghayrihi, et autre que cela. C'est-à-dire, il s'appuie sur ses deux mains, ou bien il s'appuie sur ses deux pieds, pour pouvoir s'élever. La manière dont il peut s'élever, qu'il soit plus facile pour lui, et le faire. Car rien n'a été authentifié à ce sujet. Ça va? Tayyib? Tayyib. Summa yaqra. Ensuite, il lit. Non? Là, concernant ce cas-là, non. Beaucoup de personnes, ils s'appuient sur les points. Non. Ça, voilà, à chaque fois, je vous dis, est-ce que ça y est dans la... Le fait de s'appuyer sur les points, le Cheikh Albani, il envoie le hadith. Mais fi kalam. Ça va? Fi kalam. Voilà pourquoi ici, Cheikh Moukbel Rahimahullah, il dit Al-Amru Wasa. La manière dont tu peux t'élever. Parce que souvent, il y a les hadiths dont les savants font des khilafs dessus. Al-hadith ou qu'on yakoun sahihan inda al-qawmi, ou qu'on la yakoun sahihan inda al-ba'd. Le hadith peut être authentique chez certains savants et ne pas être authentique chez d'autres. Alakin, les hadiths qui viennent à ce sujet, la fille kalam. Donc, al-qawl sahih, c'est qu'il s'élève de la manière dont c'est plus facile pour lui. C'est compris? Tayyib. Donc, summa yaqra al-fatiha. S'il s'est levé maintenant, il lit la fatiha. Wa ma tayassara lahu min al-Qur'an. Et ce qui est facile pour lui, arrête ça. Et ce qui est facile pour lui du Qur'an. Ça va? Ba'd al-fatiha. Après la fatiha. C'est-à-dire ce qui est facile pour lui, il lit après la fatiha. Summa yaf'alu kama fa'ala fi rak'atil ula. Ensuite, il fait la même chose qu'il a fait dans la première raka. Ça va? Il fait la même chose, non? En fait, il y a dit que dans la seconde raka, pour la deuxième de la sourate al-Fatiha, que la sourate qu'on doit réciter, le verset qu'on doit réciter, doit venir après ce qu'on a récité dans la raka. Nam la dalil ali. Il n'y a pas de dalil sur ça. C'est-à-dire, d'autres disent que si tu récites une sourate, la sourate que tu dois réciter après doit venir après cette sourate-là. Mais ne doit pas venir avant cette sourate-là. La dalil ali. Par exemple, il dit si tu récites dans la première rakat, sourate Doha, par exemple. Si tu dois réciter dans la deuxième rakat une autre sourate, tu dois réciter soit sourate At-Tin, ou bien Alam Nashrah Laka Sodrak, ou bien sourate Al-Iqra, ainsi de suite, parce que ces sourates viennent après. Mais tu ne dois pas aller prendre encore une autre sourate dans, par exemple, sourate Al-A'la, Sabih Isma Rabbika Al-A'la, ou bien sourate والشمس وبقرة هذا لا دليل عليه. Ce qui est interdit, c'est d'inverser. Ça va? Même le fait de prendre Baqara, lire un verset au début, ou bien lire un verset vers la fin, et aller prendre un autre verset dans la même Baqara au début. Il n'y a pas de manahi. Parce que ces versets parlent de différents sujets. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est interdit, comme on voit les marabouts en train de le faire, c'est-à-dire, ikhlas comme ça, ils prennent Lam yaqul lahu kufuwan ahad, le verset qui vient un peu en haut, ils prennent cela, ils prennent jusqu'à ils vont au premier verset. C'est haram. Oui, ils font ça. C'est interdit. C'est à lire de façon inverse. Les charlatans. Les marabouts aussi. C'est-à-dire quand je dis marabouts, il y a d'autres qui sont les imams. dans les mosquées, surtout ceux qui sont tidjanites. La majorité d'entre eux, ils ont une petite maison quelque part là-bas où ils font des écritures sur des walara pour les gens. Souvent, ils inversent comme ça les sourates là. Hada haram. Hada amal shaytan. La yajouz. Ça, ce n'est pas permis. Donc, c'est ce qui n'est pas permis. Wa illa al-amru wasi. Ça va? Wa idha kanat as-salat sunaiya. Si la prière est de deux rakat. Ça va? Ka salat al-fajr, comme la prière de Fajr. Wal Jumu'a, la prière de Jumu'a. Wal Eid, et la prière de la fête. Ça va? C'est deux rakat, deux rakat. Jalasa ba'da raf'ihi min as-sajdati as-thaniya. Il s'assoit après qu'il s'est levé du deuxième soujoud dans la deuxième rakat. Mais lorsqu'il s'assoit, il s'assoit nasiban rijlahu al-yumna muftarishan rijlahu al-yusra. Il s'assoit de l'assise iftirash. L'iftirash, c'est l'assise qu'on a dit tout à l'heure. Il étale le pied gauche, ça va, et puis il s'assoit sur le ventre du pied gauche, c'est-à-dire le bas du pied gauche, et il fait maintenant un nasb. Il dresse le pied droit. C'est ce qu'on appelle Gilzadul Iftirash. Donc, cette assise, dans les prières à deux rakats, c'est cette assise qu'on doit faire. Il n'y a pas de tawarruk dans les prières à deux rakats. C'est compris? Le tawarruk, c'est l'assise qu'on fait après trois rakats ou bien quatre rakats, ou même on fait rentrer carrément le pied gauche à l'intérieur et on s'assoit sur les fesses. Ça va? Et on dresse maintenant le pied droit. Ça va? Ou bien même on peut le coucher comme ça. Al-amru wasi. Ça va? Mais dans les prières à deux rakats, c'est quel on fait, quel assise? Al-iftirash. Al-iftirash. Ça va? Wadi an yadahul yumna. Et il met sa main droite à la fakhidhil yumna. Si sa cuisse droite. Ça va? Qabidan asabi'ahu. Et il fait le qab. C'est-à-dire, il saisit, c'est-à-dire, il attrape ses doigts. Il les courbe. Ça va? Kulluha. Tous ses doigts, il la sababa. Sauf l'index. Fayushiru biha, et il soulève l'index comme ça, en direction de la qibla. Wala yuharrikuha. Et il ne le bouge pas. On a vu ici que tous les hadiths qui parlent de tahrik sont drives. Donc, la yuharrikuha. Ça va? Il ne le bouge pas. Wa in qabada al-khinsar. Mais s'il attrape, c'est-à-dire, le khinsar, ou le binsar. Le khinsar, c'est ce doigt-là. On appelle ça comment, le petit doigt-là. Hein? Il n'y a pas de français ici. De l'ouraoui en français. Non, ça c'est. Ça c'est quoi, khinsar? Vous-même, vous êtes allé à l'école et puis. Hein? Les élèves. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important à l'école, c'est quoi? C'est d'aller travailler. C'est pouvoir lire et écrire. Lire et écrire. Non, mais tu parles une langue que tu ne comprends pas, tu ne connais pas Khinsor. Allah Moustahan. Donc, toi, le Khinsor, c'est le petit doigt. Le Khinsor, c'est le petit doigt. Et le doigt qui vient après, le binsor. Ce qui vient après, c'est le binsor. Ça va? Donc, il attrape les deux, comme ça, avec, ici, les trois, et afwan. Il attrape les deux et puis il fait comme ça. Ça va? C'est-à-dire avec celui qui est au milieu, là, on l'appelle comment? C'est le médius, c'est ça? Celui qui est au milieu, le plus grand, là. Hein? Il attrape, non, c'est pas la peine. Allez-y encore bosser vos durous. Hein? Hein? D'accord. Ce qui est oublié, il attrape cela. Hein? Auriculaire. L'auriculaire, et puis quoi? Ce qui vient après l'auriculaire, c'est quoi? Non, ce qui vient juste après l'auriculaire. Ah, non. Non, à la cour des halles, il prend celui-là. Celui-là, c'est quoi? Le pouce. Il prend le pouce et il attrape celui du milieu avec et il indique avec l'index. Ça va? Comme ça. Et il attrape les deux petits qui sont juste en bas. Ça va? Et puis il fait Ishara. Maintenant il fait le cercle comme ça. Il le pousse avec celui qui est au milieu. Ça va? Allah Moustahan. Voilà pourquoi il a dit ici, وَحَلَقَ إِبْهَامَهَا مَا الْوُسْطَى. Il prend le Ibaham et le Wusta, il fait un cercle. Ça va? Il fait maintenant un cercle. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَ. Et il indique avec l'index. S'il fait cela, فَحَسَنَ. C'est bon. Les soubout sifatein. Quand les deux sifas sont venus, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les deux manières de le faire. La première manière, c'est de saisir complètement tous les trois doigts en dehors de l'index ici. Tu saisis et puis tu attrapes avec le pouce. Tu attrapes tous les doigts avec le pouce et tu laisses seulement l'index devant toi. Ou bien soit, tu attrapes les deux petits, tu prends ce qui est au milieu avec le pouce, tu fais un cercle et puis tu laisses l'index en direction de la Qibla. Ça va? Wal-afdol, et il dit ce qui est meilleur. An yafala hadha tara, qu'il fasse cela souvent, wa hadha tara, et l'autre souvent. C'est-à-dire souvent il fait comme ça, souvent il fait comme ça. Ça va? Toi. Alors, وَيَدَعُ يَدَهُ الْيُسْرَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَ. Mais il dépose sa main gauche sur sa cuisse gauche. أَوْ يَدَعُ يَدَهِ. Ou bien, il dépose ses deux mains à la رُكْبَتَيْهِ sur ses deux genoux. C'est-à-dire, s'il veut faire comme ça, il peut déposer sur le genou directement comme sur la cuisse. Ça va? Al-amru wasi. Ça va? Non. Si tu viens avec ça ici, tu dois venir avec l'autre comme ça. Toi, les deux ensemble sur le genou, soit les deux ensemble sur la cuisse. Ça va? Là, ta femme. Attraper quoi? Il dépose. Pas attraper. Le genou, c'est où? Maintenant, il a déposé dessus. Il n'a pas attrapé. Abdallah, tu as sorti de la classe. Bon, de la mosquée. Attention. Hein. Donc, ici, ensuite, summa yaqra at-tashahhud fi hadha al-julus. Ensuite, il lit le tashahhud dans cet assis. Quel est le tashahhud? At-tahiyyatu lillah. Ça va, toutes les salutations appartiennent à Allah. Wa salawat wa tayyibat. Et les bonnes prières. Assalamu alayka. Que la paix d'Allah soit sur toi, ayyuhan nabi, ô prophète. Wa rahmatullah et la miséricorde d'Allah wa barakatuh et sa bénédiction. Assalamu alayna. Que la paix d'Allah soit sur nous wa ala ibadillahi salihin. Et sur les serviteurs pieux d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Il atteste l'unicité d'Allah et il atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, Abduhu wa Rasulu, et son messager. Hein? Est son serviteur et son messager. Ça va? Mais comment un musulman peut lire ça dans la prière et aller égaliser le prophète au même degré comme Allah? Alors que lui-même il atteste que le messager d'Allah est son serviteur et son messager. Ensuite, summa yaqul, non. Allahumma salli ala Muhammad. Allah prie sur Muhammad wa ala ali Muhammad et sur la famille de Muhammad kama sallaita, comme tu as prié ala Ibrahim, sur Ibrahim wa ala et sur ali Ibrahim, sur la famille d'Ibrahim, innaka utu Allah hamidun, tu es celui qui est loué, majidun, et celui qui est glorieux. Allahumma barik ala Muhammad. Allah bénit Muhammad wa ala ali Muhammad et bénit la famille de Muhammad kama barakta ala Ibrahim, comme tu as béni Ibrahim wa ala ali Ibrahim et tu as béni la famille d'Ibrahim, innaka certes toi Allah hamidun, et celui qui est loué majidun, et celui qui est glorifié. Ensuite wa yasta'izu, si fini, c'est-à-dire quand il finit at-tahiyya, il finit, il fait quoi? As-salatu ala nabi, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Ensuite, il finit, yasta'idu billah, il demande la protection à Allah subhanahu wa ta'ala min arba, contre quatre choses. Fayaqul, il dit, Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Il fait cette invocation. C'est-à-dire, Allahumma inni, Allah, moi, a'udhu bika. Je te demande la protection, min, contre azab jahannam, contre le châtiment de l'enfer. ومن عذاب القبر, et contre le châtiment de la tombe. Voici une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Wa min fitnatil mahya, et contre la fitna de la vie, les troubles de la vie, wal mamat, et les fitna de la mort. Subhanallah. Min azab al qabr, c'est de ma protection contre le châtiment de la tombe. Mais les musulmans, wujida min al muslimin, il y a des musulmans qui nient le châtiment de la tombe. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation. Fayyib. Et la fitna de la vie ainsi que de la mort. Ou min fitna, et de la fitna aussi de qui? Al-Messih Dajjal. Le Messie Dajjal. Le faux Messie. Hein? Wa yad'u bid'a. Et il invoque en utilisant l'invocation alladhi 'allamahu an-nabi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné les Abi Bakr. Abi Bakr radiallahu anhu. Allahumma inni, ô Allah, zalamtu nafsi, j'ai fait du tort à ma propre personne. Zulman kathira, beaucoup de tort, beaucoup d'injustice à ma propre personne. Wa la yaghfiru dhunuba, et personne ne pardonne les péchés, illa ant, sauf toi Allah. Faghfirli, pardonne-moi, maghfiratan, d'un pardon, min indik, venant de toi. Warhamni, et fais-moi miséricorde, innaka antal ghafur rahim, car Allah est le pardonneur et le miséricordieux. Cette vocation, il faut la prendre. Et lorsque on fait d'abord at-tahiyya, Salat wa la Nabi, Salat Ibrahimiya, et ensuite on fait Al-Isti'aza min Arba, comme on vient de lire, il faut faire cette invocation, il faut beaucoup le faire. Car chacun d'entre nous fait le zulm sur sa propre personne. À travers les péchés. On fait les péchés. Donc chaque prière, il faut demander à Allah de te pardonner tes péchés. Ça va? Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner tes péchés. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Ensuite, s'il finit cela, وَيَدْعُوا بِمَا شَاءَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Il évoque Allah de ce qu'il veut maintenant des biens de la dunya et de l'au-delà. À la kulli hal, إِذَا كُنْتَ إِمَامًا فَلَا تَفْتِنُ النَّاسِ Si tu es imam, ne prouve pas les gens. Ça va? Tu es devant les gens. Si tu fais une seule invocation, khalas, il faut lancer le salam. Mais quand tu as duré, parce que tu es en train de faire les invocations, c'est la sunna qui a dit de faire, il va me relaborer. Tu vas faire fuir les gens. Ça va? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mouaz, hein, il dit Mouaz, la taqounu fatan. Il ne soit pas fatan, l'innas. Hein, parce que Mouaz, il prenait les sourates. Et il y a un homme qui est quitté dans le rang. Il allait faire sa prière et il allait voir le professeur. Donc, lorsque la prière dure, ça fatigue les gens. Surtout, les gens sont akhiruzaman. Hein? Les gens d'aujourd'hui, les gens de la fin des temps. Eux-mêmes, d'abord, quand ils arrivent à la mosquée, quand il est l'heure là, yabdaouna bisabbil imam. Il commence à insulter l'imam d'abord. C'est quel imam ça là? Il vient jamais à l'heure. Il est tout en retard. Et puis, il regarde. Quand il voit un enfant à côté, tiens, il était tellement mis célia. Hein? Tellement mis célia parce qu'il est précis. Il n'a pas le temps. Pour adorer Allah, il n'a pas le temps. D'accord. Donc, il va faire tout cela. L'imam va venir. La prière de l'imam aussi doit être mesurée. Selon un temps bien précis. Si la prière a duré, l'imam risque de ne plus le voir dans la mosquée là. Il change de mosquée. Il va trouver un endroit où la prière est encore plus facile. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qu'il nous guise enfin sur le nom. Et quand le ciel est le plus noir, il dit l'imam, on fait diamant. Ouais, quand le ciel est noir, même c'est lui-même qui dit à l'imam. On fait diamant ou non? Qu'Allah nous préserve. Amrou l'ibada, l'adoration, c'est rouhou l'insan. C'est l'âme de l'être humain. Sur cette terre, l'adoration. Ils annoncent l'ibadah, min al-insan. Si on retire l'adoration de l'être humain, la yabkhashi, rien ne reste. Il devient comme un animal. Plus pire même que l'animal. Ça va? Donc, ce qui est ruh al-insan sur la terre, c'est wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'buduni. Que pour qu'il m'adore. Si on enlève l'adoration dans sa vie, il devient comme un animal. Il n'aura que deux occupations. Deux occupations. La première occupation, par Dieu, son sexe. Comment faire ses désirs? Hein? La deuxième occupation, c'est quoi? Batnu, son ventre. Regardez les migrants. Ils n'ont pas d'autres soucis. L'argent, Ishel, ce sont ces deux-là. Le ventre, le sexe. Hatta d'autres même se disent, mais si c'est pas à cause des femmes, moi je vais chercher l'argent, pourquoi? Hein? La moustad. Donc, la Bouddha, min marifatihad. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des migrants, il dit, walladina kafaru. Et il est mécréant. Il prend du plaisir, mange. Comme les bestiaux. Ils mangent. Bestiaux, lui, mange, il réfléchit. Les mécréants sont comme ça. Voilà pourquoi Ibn Omar, lorsque quelqu'un, un jeune, est rentré chez lui, Bada yaj'al bayna adayhi. Il mettait la nourriture devant lui. Hein? Il mange. Fajala yajal baina yadi. Yada, il dépose image. Il dit, la yadkhulan nahaza alayya. Il dit, celui-là ne va pas rentrer chez moi. Pourquoi? Il dit, anni samitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, al mu'min yaqulu fi mi'an wahid. Le croyant mange dans un seul estomac, c'est-à-dire intestin. Wal kafir. Mais le mécréant, yaqulu fi sab'ati ama'a. Dans l'équivalent de sept estomacs, sept intestins, estomacs, pour montrer que le mécréant, il mange plus que le croyant. Mais regardez les croyants d'aujourd'hui là. Non, le moustan. Hein? Il mange beaucoup. Maintenant, l'adoration est à casa. Regardez dans Ramadan. Ramadan tara ajiban. Tout ce qui n'a pas pu manger la journée, il récupère ça le soir. Hatta sola, il ne peut pas faire la prière. Il cherche maintenant dans les carrés les imams annuels. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous protège, qu'il nous guise enfin sur le droit chemin. Voyez. Donc ensuite, le cheikh il dit, وَيَدْعُو بِمَشَا, il invoque de ce qu'il veut مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, des biens de la dunya et de l'au-delà. وَإِذَا دَعَى لِوَالِدَيْهِ, s'il invoque pour ses deux parents, أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ أُوْتْرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, parmi les musulmans dans cette assise, فَلَا بَأْسِ, il n'y a pas de problème. سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ, que ce soit une prière obligatoire, ou nafila, ou bien une prière surrogatoire. Pourquoi? لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ, à cause de la généralité de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, في حديث ابن مسعود, dans le hadith ibn Mas'ud qui dit, لَمَّا عَلَّمَهُ تَشَهُدْ, lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم l'a enseigné, le tashahud, il a dit, ثُمَّ, ensuite, لِيَخْتَرُ, qu'il choisisse minad du'a'i parmi les invocations à Djabahu, ce qui le plaît, il est hi fayadu, et qu'il invoque Allah avec cela. Wa fi lafzin akhar, dans un autre lafz du hadith, il a dit summa yakhtar, ensuite il choisit ba'da min al mas'alati ma sha, des masa'il, ce qu'il veut. وهذا تدي ده دعاء سكيل و وهذا يعم جميع اسلا انغلوب تو ما ينفع العبد في الدنيا والاخره, tout ce qui profite à l'être humain dans la dunya et l'au-delà. ثم يسلم, ensuite il fait le taslim, عن يمينه وشماله, à droite et à gauche, قائلا, en disant السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. C'est-à-dire, il dit السلام عليكم. Mais on voit cet musulman, il dit السلام عليكم. Il n'a pas mis alif wa lam sur le salam. Il doit mettre alif wa lam. السلام عليكم ورحمة الله. À droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maintenant, les savants se sont divergés sur une mas'ala. D'abord, d'autres disent que lorsque tu commences à dire assalamu alaikum, lorsque tu arrives sur wa rahmatullah, c'est là que tu tournes ta tête. Ça va? D'autres disent qu'il n'y a pas de dalil à ce sujet. L'imam Nawawi vient avec ses paroles dans Al-Ijma et puis montre que lorsque tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, il n'y a pas de asl à dire que on attend jusqu'à ce que à la fin on tourne la tête. Le chef Mohammed bin Salih al-Uthaymeen aussi, il dit la même parole. C'est-à-dire lorsque tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, quand tu commences net, tu commences à tourner la tête. Là, ishkat. Ça va? Toyib. Donc voici le salam. Le salam vient de différentes sortes. Il y a plusieurs manières de le faire. Le chef n'a pas mentionné. Alaykin, il y a le taslim, une fois, à droite. Il y a les deux fois qu'on vient de voir. Il y a une troisième fois, où la première fois, on ajoute wa barakatuh. Ça va? Alaykin, Cette riwaya, les savants se discutent beaucoup, mais Cheikh Albani est revenu sur la riwaya pour dire que c'est bon. Mais à la coulée hal, ce qui n'y a pas de mouchahata, il n'y a pas de discussion dessus, c'est ce qu'on vient de voir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa in kanat as-salat sunaiya. Si la prière est afwan sulasi, elle est trois rakats, kal maghrib, comme le maghrib, ou ruba'i, ou quatre rakats, kal dhuhri wal asr wal isha, comme dhuhr, asr et isha, fa innahu yaqra fi tashahhudil awwal التشهد المذكورة آنفا فقط. C'est-à-dire, il lit dans le premier tashahhud, le tashahhud qu'on a mentionné, attahiyatu lillah, seulement. Il n'ajoute pas de salat, ibrahimiya, ni les doigts qui viennent. Dans les deux rakats. Maintenant, c'est dans la dernière rakat qu'il va faire les autres avec le tashahhud. C'est-à-dire, min ghayri salat ala nabi, sans prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, summa yanhudu qa'iman. Ensuite, il s'élève maintenant. ويرفع يديه إذا استتم قائما. Si c'est une prière de trois rakats, c'est lorsqu'il se lève de la première assise, c'est-à-dire l'assise des deux rakats, lorsqu'il se lève maintenant, c'est quand il est bien debout qu'il lève les deux mains. Ça va? Mais لا يرفع ما هو جالس. Il ne lève pas les deux mains pendant qu'il est assis là, hasta là. On voit certaines personnes le faire. Ça va? C'est-à-dire, ils sont assis, ils ne sont pas encore levés, ils lèvent la main et puis ils se relèvent. Ça va? Tayyib. Yarfa'uhuma, il lève les deux mains, comme on a déjà vu, il a hazu man kibay au niveau de ses deux épaules, ou furu uzunay, mais au niveau des deux oreilles. Ça va? Qailan, en disant Allahu Akbar. En disant Allahu Akbar, wa yada'ahuma, il pose ses deux mains, ayyadayhi ala sadrihi, si sa poitrine kama taqaddam, comme cela a précédé. Les premiers sunnites en Afrique, ça c'était le combat. Brodigi Brumna. Ok. Brodigi Brumna. Ceux-là, ils attrapent pas la main, ce sont les innovateurs. Ceux-là, ils attrapent la main, ce sont les sunnites. C'est par ça qu'on reconnaissait le sunni de l'innovateur. Et, wa kanu yukafiruna ba'dhum ba'dha. Ils se rendaient même mécréants. Hein? C'est là que tu vas retrouver certains de nos imams. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui n'avaient pas la bonne compréhension parmi eux. Voilà qu'in ala kulli hal, ils avaient un comportement que ceux d'aujourd'hui qui sont dans les associations n'ont pas. Ça va? Ils détestaient les innovateurs. Ils ne s'asseyaient même pas avec eux. Ça va? Malgré qu'ils n'avaient pas de science. Malgré qu'ils n'avaient pas de science. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont été combattus ici, même en Côte d'Ivoire ici, ils ont été combattus. Et ils ont eu besoin de créer l'association qui sont les musulmans orthodoxes dans le pays pour pouvoir se protéger. C'est cette association qui est devenue Amoussi, après, c'était Amoussi d'abord, après Amsi, après Kodis. Mais, eux, à leur époque, détestaient les innovateurs. Ce fondement, ils ne s'amusaient pas avec. Malgré qu'ils n'avaient pas la science. Maintenant, au moment où on espère que ceux qui n'ont pas la science, malgré qu'ils n'ont pas la science, nos vieux, ils étaient quand même sabides. On espérait que leurs enfants aillent prendre la science pour venir les renforcer. Et ils sont venus faire quoi? Ils sont venus tout détruire. Hein? Leurs parents étaient des loups avec les innovateurs, mais eux sont devenus des agneaux, des petits moutons que les innovateurs caressent. Laoumoussan. Ça fait pitié. Ils sont allés prendre des doctorats, lâchés. Rien. Hein? Le chef des innovateurs, ils vont s'asseoir avec lui. Hein? Ils vont même le saluer chez lui. Hein? Samuel-toi, an ahadim. J'ai appris comme ça, d'un comme ça, qui est leur chef. Les sunnites, ils avaient commencé à parler sur des tidjanites. Des tidjanites. Parler, il y avait une mosquée tidjanite à côté. La mosquée allait se plaindre chez le chef des sunnites. Il allait voir les sunnites là pour dire, vous savez qu'on est dans un pays, il y a la cohésion sociale, hein? Il y a la manière de vivre, hein? Il y a l'entente qu'on est en train de préserver, donc évitez de parler sur eux. Ya Ikhwa, le chrétien, il ne se lasse pas de bombarder les musulmans dans ce pays-là. Ou bien, il ne se lasse même pas de se bombarder entre eux. Ou bien, les tidjanites, les soufis, ils ne se lassent pas de dire que vous êtes des wahhabia. Votre religion là, c'est une nouvelle religion. C'est vous qui allez dire non, cohésion sociale, non, savoir vivre. Il va falloir qu'il y ait une blague, il va falloir. On te met à côté et puis on avance. Mais nous, on ne va pas les laisser. Les innovateurs, on ne va pas les laisser. Tant qu'ils ne sont pas revenus à la sunna, on ne va pas les laisser. Al-harbu qa'im. La guerre est dressée baina ahli sunna wa ahli bida. Entre les sunnites et les innovateurs. Mais Al-Hasid, ce que je vous dis, nos parents, leur combat, c'était un peu ça, Bouroumne, Bouroudjigi, Bouroumne, Bouroudjigi. Hatta le Cheikh Mohamed bin Salah al-Husseymin, rahimahullah, dans sa risala, dans son livre, Kitab al-Ilm, c'est Kitab al-Ilm, il mentionne comme ça que ils sont arrivés même au Hajj, où ils étaient en train de se rendre mécrire. À cause de la masala, wa de la yad al-yumna ala al-yusra. Al-qabdu wa al-irsal. Ils étaient en train de se rendre même mécrire à cause de cette masala. Regardez, dans le chapitre, il a dit, la bouddha li talib al-ilmi an yakuna inda wa rahabat al-sadr inda masail al-khilaf. Il parle de cela là-bas. Mais il a montré cette surah, il dit, c'était des gens de Ifriqiya. De l'Afrique qui était sur cette masala. Mais cela, malgré que cette masala, c'est pas une masala où on doit faire de mouchahada dessus, mais il y a quelque chose qui en ressort, c'est qu'ils détestaient les innovateurs. Ou bien, par cela, l'Illah et l'Ham, d'autres ont pu préserver leur sunnah jusqu'à ils sont morts dessus. Mais regardez-les. Ils vont prendre doctorat pour venir. D'autres sont comme ça les khimar, yahmilu asfara. Ils portent seulement quelque chose sur la tête, mais ils ne savent pas ce qu'il y a sur la tête. Hein? Comme a dit Ibn Taymiyyah, fahuwa adallu min khimari ahli. Il est plus égaré puisque l'âne de sa famille. Vous connaissez l'âne? Hein? Ah, Musta'an. Allez, tout clair. Qu'Allah nous préserve, ya Ikhwa. La sunna, c'est quelque chose qui est tracé. C'est déjà tracé par qui? Par le prophète, par les tabi'in. Par les tabi'in. Ceux qui sont venus après, ils ont préservé. Donc, si tu viens, même si tu as plus que doctorat, allons même Daraja, plus que ça, conforme-toi au test. Conforme-toi au test. Mais si tu ne te conformes pas au test, là, non, vous, on ne regarde pas. Qu'est-ce que sera pour Iwaya? On ne regarde pas ça. On regarde Al-Muwafaqa. Tu es conforme ou pas? Si tu n'es pas conforme, on te dit que tu n'es pas conforme. Si tu n'es pas d'accord, si on te dit, bon, Karamoké, tu dis que tu es sunnite, mais voici les usul. Ta délaissée n'est pas d'accord, donc non, tu ne calcules pas comme sunni. Ou bien, qu'Allah nous aide. Hayakum Allah, jazakum Allah khair. Donc, après cela, maintenant, le cheikh, il dit, wa yaqra al-fatiha faqat, il lit la fatiha seulement. Wa in qara fi salisa wa rabi'a, c'est-à-dire, dans le quatrième rakat ou troisième rakat, s'il a lu avec la fatiha une sourate fi ba'd al-ahyan, souvent, fala ba's, il n'y a pas de problème. Ça va? Il n'y a pas de problème. Voyez? Summa inda al-julus al-akhir, ensuite, dans la dernière assise, yajlisu jilsata tawarruq. Il s'assoit tawarruq. Wahia? Et cette jilsa, c'est comment? An yakhruj ar-rijl al-yusra. Qu'il fasse sortir son pied gauche min al-janib al-ayman, du côté droit. C'est-à-dire qu'il couche comme ça son pied gauche et il fasse sortir du côté droit. Ça va? Min al-janib al-ayman mafrouchan, et il étale. C'est-à-dire il fait sortir du côté droit et il étale. Wa yajlisu ala maq'adihi, et il s'assoit maintenant sur ses fesses, ala al-ard, sur la terre. Il faut le faire al-hasan. Vas-y, fais. Fais l'assise pour nous montrer. Il y a d'autres, c'est pas facile pour eux, hein. Même moi-même, c'est pas facile. Hein? Voilà. Ainsi. Vous voyez? Maintenant, il y a trois situations. Viens, approche-toi. Je vais montrer pour que vous voyez. La première situation, c'est cette manière-là. La deuxième situation, il peut le faire comme ça. Ça va? Il couche le pied droit. La troisième situation, il bouge ça et il prend ça, il fait comme ça. Ça va? Kullu hadha yasihu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça vient dans sifat salat de Cheikh Mohammed bin Salih al-Usaymi. C'est sifat julus tawarruq. Ça va? Naam. Amen. Non. Comment? En mettant les deux pieds comme ça. On va le voir, ça c'est pas permis. Là, ce qui est permis, c'est le iqa'a. Faut t'asseoir. Tu t'assois sur les points des pieds. Voilà, comme ça. Mais hada ahyanan, souvent. Ça va? On va voir ça, bismillah. Ensuite, watakunu ar-rijl yumna mansoubatan. Le pied droit doit se dresser. Wa yatashahhadu tashahhud al-akhir. Il fait le dernier tashahhud ba'd al-thalitha, après la troisième rakat min al-maghrib, du maghrib, wa ba'd al-rabi'ah, après la quatrième rakat min al-dhuhri wa al-'asr wa al-isha. Des zuhur et des as, ainsi que des isha, kama taqaddama dhalika fi salat as-sunaiya. Comme cela est venu dans les prières à deux rakat, summa yusallim. En fait, il fait le taslim. Al-yaminihi wa shimali. De, yani, sa droite et la gauche. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Ça va? Donc ici, kodraïna. Sifat al-Sola. On a vu comment faire la prière. Ça va, mina takbiri la taslim. S'il y a des questions à poser, bismillah, vous pouvez poser les questions après. Pour ceux qui ont des questions, et ceux aussi qui ne sont pas sur place, vous pouvez voir avec les administrateurs, poser des questions. Inch'Allah, on va répondre à ces questions si nous savons. Si nous ne savons pas aussi, on va ramener à ceux qui sont plus savants. Si eux aussi ne savent pas, on va dire Allahu A'lam. Ça va? Bab, chapitre, Mata Tabtulu Salah. Quand est-ce que la prière est nul. Et la prière n'est pas obligatoire sur qui? Voilà le chapitre que nous allons voir. Bi'iznillah. قال المؤلف رحمه الله l'auteur du livre qu'Allah lui fasse miséricorde que qui l'imam Shawkani il dit babu chapitre mata tabtulu salah quand est-ce que la prière devient nulle ça va wa amman tasqutu et la prière n'est pas obligatoire sur qui aïe c'est-à-dire mata tabtulu salah فَلَا تَكُونُ مَقْبُولَةً À quel moment la prière n'est pas acceptée وَيَجِبُ عَلَى فَاعِلِهَا إِعَادَتَهَا Et il est obligatoire pour celui qui a fait cette prière qui n'est pas acceptée de reprendre sa prière. À quel moment مَنِ الَّذِي يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّي Et مَنِ الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّي Et qui la prière n'est pas obligatoire pour lui, c'est-à-dire exigé. فَصْلُمْ Donc, le sous-chapitre قال المؤلف لوتاد ليف إلدي وتبطل الصلاة بالكلام la prière devient nulle par la parole وبال اشتغال et s'occuper بما ليس منها à faire quelque chose qui ne fait pas partie de la prière وبترك شرط et aussi lorsqu'il délaisse une condition de la prière par exemple il ne prend pas les ablutions avant de venir prier. Ou ruknin, ou bien un rukun, amdan. Il laisse amdan, sciemment. Ça va? قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il dit, inna salatana hadi. Notre prière que voici. La yaslu fiha shay min kalam innas. Il n'est pas permis quelque chose de la parole n'est pas permis dans la prière. Ça va? La yasdur. Innama hiya. La prière n'est que atasbih. C'est tasbih subhanallah wa takbir. Allahu akbar wa tilawat al-Quran. Et la lecture du Quran. Ce hadith est le hadith d'un compagnon qui est Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami qui a parlé dans la prière. Il est venu, quelqu'un a éternué. Il a dit, Yarhamkallah. Les gens ont commencé à taper les cuisses. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Aïe! Quelqu'un a éternué, j'ai dit, Yarhamkallah, et puis vous tapez les cuisses. On les touche. Parce que la parole était permise dans la prière. Mais ça a été interdit. Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami, il ne savait pas. Sinon, comme Ibn Omar il le dit, il dit qu'on a nous salim. On salue même le professeur Hassan. C'est-à-dire, on vient dans la prière et on dit, Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, il répond et puis il continue. Azakena yajouz. C'était permis. Ça va? Donc, quand il a parlé, après la prière, le prophète lui a dit, la yaslo, ce n'est pas permis de parler dans la prière. Il a fait avec la manière. Ça va? وأجمع العلماء لسافون سون اونانيم على ان الكلام في الصلاه que la prière la parole dans la prière amdan siyama ma ghayr al imam avec autre que l'imam fi islah al salah dans la réparation de la prière yanqud al salah ça annule la prière mais la parole avec l'imam n'annule pas la prière. Ça va? Ma femme? Hein? Hein? Tafsil. Par exemple, Al-Fatha l'imam. Ça va? Si l'imam se trompe, premièrement, tu continue. Tu continues avec lui. C'est ce qu'on appelle al-fatr. Ça va? La récitation. Ou bien imam fait une erreur, on dit subhanallah. Ça va? Donc tout ceci. Mais d'autres même vont plus loin parmi les ulama. Ils disent même, si l'imam est en sujoud, alors qu'il devait faire le ruku, on peut dire à ruku. Ou le faire comprendre que il a raté le ruku. Lakin al-amru wasi. Parce qu'il n'y a pas de dalil qui interdit cela. Kullu ma yata'allaqu bi islahi salah yajuz inda kaseer min al-ulama. Mais on va donner plus de détails dans devant inshallah. Ça va? Ah. Quand il arrive sur le côté sujoud là, tu attends d'autres personnes derrière pour dire sujoud, pour appeler l'imam va dans le sujoud tout simplement. Ah. Mais là c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Ah, la prononciation de poster, le sujoud de kira'a là. Hein? Sujoud de kira'a. Donc du sujoud, là il vous a dit. L'imam dit Allahu Akbar, puis descend. Et les gens le suivent. Mais attendre sujoud, bon, ceux qui sont derrière, c'est pas le islah de la prière de l'imam qui sont en effet. On a dit, fi ghayri islahi, salat de l'imam. L'imam n'est pas en erreur. Mais quand toi tu dis sujoud, si les gens se prosternent, ils vont voir que l'imam s'est prosterné. Ceux qui sont devant vont se prosterner, ceux qui viennent après, ils vont suivre. Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Ça va? Toi, Yib? C'est une erreur que les gens font. C'est une erreur qu'ils font. Allahu Musta'an. Wa ja'a fi sahihayn. C'est venu dans les deux authentiques. An Zayd ibn Arqam. De Zayd ibn Arqam. Qal, il dit, kunna natakallam fi salah. Il dit, nous, on parlait dans la prière. وَيُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبًا. L'homme parle à son compagnon dans la prière, celui qui est à côté de lui. وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ. Et celui qui est à côté de lui dans la prière. حَتَّى نَزَلَتْ. Jusqu'à ce que ce verset-là est descendu. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. C'est-à-dire, dressez-vous devant Allah en dévotion. C'est-à-dire, coupez-vous de tout. Ma foi? Fa'umirna, alors il nous a été ordonné du soukouti de se taire, wa nuhina anil kala. Et il nous a été interdit de parler. Ça va? Parce qu'au début, il y avait trop de tachouish. Quand l'imam est devant, il est en train de faire prier, moi je viens et dis, hey, Al-Hassan, hey Fahal, ça va? Ça fait deux jours, je n'ai pas vu. Hein? Et puis maintenant, je rentre dans la prière. Mais pendant que je suis dans la prière, là, ça dit, mais tiens, comment tu es, il t'a vu, tu as passé là-bas. Et je ne t'ai même pas reconnu. Alors, qu'en est-il? C'était permis, voilà qu'il. Nous, Yadarik, cela a été interdit. Amma iza takallam al-mutakallim. Mais si quelqu'un parle, jahilan, par ignorance, ou nasiyan, ou bien il a oublié, fala tabtul salatu. Sa prière n'est pas nulle. S'il parle par ignorance, s'il parle aussi par oubli, quel est le dalil? Le même hadith. Ça va? Dalilu anna Muawiyat al-Hakam al-Sulami takallama fi salati. Il a parlé dans la prière jahilan. Il ne savait pas. Wa lam ya'murhu an-nabi. Et le prophète Razan ne l'a pas ordonné bil i'adati de reprendre la prière de Jahli à cause de son ignorance. Wa kadhalika an-nasi, c'est le même celui qui a oublié. Fa innahu ma'zur, il est excusé. Wa yadullu ala zalika hadith Zilyadaini. Le hadith de Zilyadaini aussi montre cela. Quel est le hadith? C'est le hadith de Zilyadaini où le prophète Razan a prié deux rakats. Et il s'est levé, il pensait que la prière était finie. Ziliadein, il a parlé. On considère que la prière n'est pas encore complète. Donc ça veut dire qu'il a parlé pendant la prière. Regardez ici. Amma al-kalam, quant à la parole, les islahi salah, pour réparer la prière, faja'izun 'inda al-haja, c'est permis lorsqu'il y a le besoin. Alors ceux qui disent que on peut réparer la prière de l'imam même en disant la prière n'est pas correcte, en parlant même dans la prière, cela n'annule pas la prière, il se base sur cela. Ça va? Il se base sur cela. Parce que dans le hadith de Zilyadein, الذي قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم سجد الله صلى الله عليه وسلم اقصرت الصلاه ام نسيت لا prière était raccourcie ou bien tu as oublié. Voilà adab. Il sait que c'est le messager d'Allah, il est le plus savant que a reçu la prière deux rakat, il s'est levé. Donc il pose la question, la prière a été raccourcie ou bien tu as oublié les deux choses. Ça va? فَكَلَّمَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Il a parlé au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وَكَلَّمَهُ النَّبِي. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a parlé. وَسَأَلَ الصَّحَابَ. Il a posé la question au compagnon. مَا إِحْتِمَالِ. Alors qu'il y avait la supposition de عَدَمِ إِتْمَامِ صَلَى. Le fait que la prière n'était pas encore complète. عِنْدَهُ. Chez lui, il y a des, Badama Kallama, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Badama Kallama aux Ziliadens. Après que Ziliadens lui ait parlé, la prière n'était pas complète. Donc ça veut dire qu'ils étaient encore en cours de la prière. Et ils ont parlé. Donc ce qui veut dire que les islahis salah, ceux qui disent que la prière peut être notre jins, c'est-à-dire jins sous tasbih, la parole peut être d'un autre jins, c'est-à-dire d'une autre sorte, tel que le tasbih, ça peut être même une parole. Ça va pour réparer la prière, azala, sabtul salat. Ça n'annule pas la prière. Ça va? Wa kadhalik al-akl wa shurb, c'est le même manger et boire, fi salati amdan, exprès. Il y a d'autres souvent qui ont des bonbons dans la bouche. Il vient dans la prière et il continue à laver son bonbon. Hein? Yabtuluha. Sa prière est nulle. Wa la man fa'ala zalika amidan. Celui qui fait cela exprès, al-i'ada, il doit reprendre sa prière. L'imam Ibn Hazm, il dit wa tafaqu. Ils sont tous unanimes. An al-aql, que manger, hein? Et beaucoup de choses dans la prière, comme on va arriver dans Maratib, il dit c'est interdit. Summa waqtalafu, mais ils se sont divergés, fi man akala aw shariba nasiya, au sujet de celui qui a mangé ou il a bu en oubliant. Hein? Wa sahih, ce qui est correct, an al akla wa shurb, manger et boire fi salat. Al-kalami, la farq. C'est comme la parole, il n'a pas de différence. C'est-à-dire, s'il mange et boit par oubli, lâchez-le, il continue sa prière. Sa prière n'est pas nulle. Par oubli. Non? Ah. Et tu avales. Et on avale. Adamin al-akl. Akl c'est quoi? C'est de prendre la nourriture, mettre dans ton ventre. Donc, à la koulehal, reste la bouche avant d'être arrêté dans la prière. Ça va? Les restes. Souvent aussi, il y a les restes des bonbons cachés quelque part là-bas. Hein? Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai déjà vu quelqu'un comme ça. Il est dans la prière, puis il a donné la paix bonbon. J'ai dit mais, et je vais m'arrêter à côté de lui, j'ai dit mais, aïe, c'est là tes problèmes. Je le touche, il ne comprend pas. J'ai dit sors de la prière, il ne comprend pas. Je l'ai laissé, quand il a fini, je lui ai dit bonbon, que tu t'as donné la paix là, ça a annulé ta prière. Il faut reprendre. Il dit non, c'est lui son imam n'a pas dit ça. Khalas, Khalas nous aide. Wa kadhalika dhahik. C'est le même le fait de vivre, bisautin, hein, en faisant sortir la voix, c'est ce qu'on appelle qahqah. Hein? Les Arabes appellent cela qahqah. Yabfuruha bil ijma. Ça annule la prière par le consensus. Fawa kal kalam, c'est comme la parole. Wa ma tabassum, quand on fait de sourire dans la prière, fala yabfuruha. Ça n'annule pas la prière. Wa tabassum, le fait de sourire, wa mabadi ou dohik. C'est le début du rire, n'est-ce pas? Une réelle sorte, sans aucune voix. Hmm? Par exemple, tu vois un événement pendant que tu es en train de prier, ça fait rire. Tu sais, le fait de rire, c'est infialun dans l'être humain. Souvent, il ne retient pas. Mais si tu ne retiens pas, fais l'effort de sourire. Ça va? Même si tu vas cacher en toi, tu retiens beaucoup, quoi, au maximum. Si tu as caché jusqu'à ta fesse sortie, ta prière, tu reprends. C'est compris? Là, on s'arrête ici. Bismillah. Et la semaine prochaine, on va continuer ici. Bil ishtighali bima alaysafi bi minha. S'occuper à autre chose qui ne fait pas partie de la prière. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين